de sa qui gagne yoji, c'est ma poisson. Il fait ton galon plein de rêves. Moi t'entends pas Walka qui parle. Moi ma de sa qui gagne yoji, c'est ma poisson. Il fait ton galon plein de rêves. Il fait des rêves. En des attaques au système, à nous un petit bonheur. Thank you. côte carré.